Ceci est une guitare. Je ne joue pas de la guitare classique, je ne joue pas du flamenco, je joue de la guitare sommaire. Je suis professeur de guitare sommaire. Je ne suis pas ici pour vous distraire, mais pour instruire. Maintenant, s'il y en a que ça amuse de rire, je peux aussi distraire. Je peux instruire en 10-13 ans, 13 ans et demi maximum. Après, je prends ma retraite. Petit cours de guitare sommaire. Une guitare est un instrument en forme de guitare qui comporte 6 cordes. Si l'on partage la guitare en deux par le milieu, ce qui n'est pas à conseiller, on obtient 2 moitiés de guitare. Et 3 cordes d'un côté, 3 cordes de l'autre. Ces 3 cordes du haut s'appellent par conséquent les basses. En guitare classique, en guitare sommaire, on ne les appelle pas, on les ignore. La grosse difficulté de la guitare sommaire est d'éviter de toucher à ces cordes du haut qu'on appelle les basses. Pour ce, ne tripotons pas la guitare avec tous les doigts. Servons-nous uniquement du pouce. Comme son nom l'indique, pouce, ça ne compte pas. Pouce, c'est pour rire. Ha ha, ha ha. Assérie, première leçon. Les 2 accords. En guitare sommaire, nous avons 2 accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces 2 accords, nous avons une main gauche avec un pouce qui ne compte pas, ha ha, et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin, soit sur cette corde si que nous appellerons donc la corde si, soit sur cette corde la que nous appellerons donc la corde mi. Et nous obtiendrons les 2 accords suivants, bling et blang. C'est très facile. Bling, c'est facile, mais il ne faut pas toucher les cordes à côté. Bling et blang, comme j'ai montré tout à l'heure. Exercice pour la prochaine fois, sur un cahier propre, 10 lignes de bling, 10 lignes de blang.